La France pendant la Deuxième Guerre. Première partie, le début de la guerre. La période de 1939 à 1945 a été surnommée les années noires pour les Français, dont la vie a été totalement bouleversée. Mais malgré la déclaration de la guerre contre le Troisième Reich, le 3 septembre 1939, la drôle de guerre était une période d'attente et d'appréhension, où la vie n'a guère changé, étant donné que l'action se déroulait surtout sur le front Est, en Pologne. Toutefois, l'invasion éclair de troupes allemandes a commencé le 10 mai 1940. Les armées allemandes sont entrées dans Paris le 14 juin. Cette défaite militaire a provoqué la fuite des populations civiles du nord de la France et de la région parisienne. L'exode de près de 8 millions de personnes, parmi lesquelles des vieillards et des enfants, révélait la peur et la panique générale de la population et a contribué à désorganiser le pays. Le régime de Vichy. Le gouvernement a fui vers Bordeaux et le maréchal Pétain, nommé chef d'État, a signé l'armistice. La France a été coupée en deux par une ligne de démarcation entre une zone nord, occupée par les Allemands, et une zone libre, gouvernée par le régime de Vichy, qui collaborait avec les occupants. Il semblait que Pétain voulait donner une place à la France dans l'Europe allemande qui se dessinait. Mais cette ligne de démarcation a signifié la séparation des familles, de longues queues au point de passage. L'incertitude, le manque d'informations sur le sort des proches, pesait sur la morale. L'incertitude et le manque d'informations sur le sort des proches pesaient sur la morale. En plus, il existait de profondes inégalités entre les deux zones. La zone occupée comprenait la plupart des grands centres industriels et agricoles, 2/3 du charbon, 3/4 de la production des céréales, du lait, du sucre et de la viande. Tous les grands ports, à part Marseille, y sont. Les Français de la zone occupée vivent à l'heure allemande. Les horloges sont avancées d'une heure. Pour beaucoup de Français, le maréchal Pétain, un vieillard de 84 ans, est resté le héros de Verdun. Sa photo était partout. Et on chantait un hymne « Maréchal, nous voilà » dans les écoles. On demandait aux enfants, au collège, d'écrire des essais comme « Pourquoi aimez-vous le maréchal Pétain ?» Pétain a connu une popularité massive des Français. Pas pour ses idées politiques ou son idéologie, mais parce que c'était un héros pour eux. Les valeurs de travail, famille, patrie devaient remplacer la devise républicaine de liberté, égalité, fraternité. Mais cette révolution nationale, un programme d'extrême droite, traditionnaliste et nostalgique du passé, a été accompagné par la persécution des Juifs. Dès octobre 1940, on a créé un statut des Juifs qui les écartait d'un grand nombre de professions. C'était le début d'un voyage en enfer pour une partie de la population française. Qui plus est, le régime a interdit toute vie politique. Les partis traditionnels cessent leurs activités et la presse est contrôlée et censurée. En même temps, le général de Gaulle, le 18 juin 1940, a appelé ses compatriotes à poursuivre la lutte contre Hitler, ce qu'on a appelé la résistance. L'appel à la résistance du général de Gaulle était un acte symbolique et décisif dans la création de la résistance. Mais ce mouvement a mis longtemps à se développer et à faire une différence dans la guerre.